Nous avons manqué notre coup, général, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de rencontrer répare ce malheur, et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que pouvait me causer le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser les soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours crus. Paix, coquin que vous êtes! Vous ne savez ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait. Allons, allons! D'où sort cette autre paysanne? Sganarelle, as-tu rien vu de plus agréable? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément! Autre pièce nouvelle! D'où me vient la belle? Une rencontre si agréable! Toi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne. Et que ces yeux sont pénétrants. Ah, fait, monsieur, vous me rendez tout honteuse. Moi, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Tourne-moi un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille est jolie. Aussi un peu la tête de grâce. Que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Oh. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Ah, qu'elles sont amoureuses et ses lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Oh, monsieur, cela vous plaît à dire? Je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi, m'enrayer de vous, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela, et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout, vous ne m'êtes point obligée de tout ce que je dis, et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Oh, monsieur, ça est trop bien dit pour moi. J'ai pas d'esprit pour vous répondre. Elle regarde un peu ses mains. Oh, fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Je dis que vous, ce sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils à la voisine. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Ah non! Non. Non. C'est profaner tant de beauté. Et le ciel qui le connaît bien m'a envoyé ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur et il ne tiendrait qu'à vous que je ne vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, mais quoi, Charlotte? C'est un effet de votre grande beauté et on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Oh, oh, c'est vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous me dites me fait taise. J'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut pas croire les monsieur. Et que vos autres courtisans étaient des enjôleux qui ne songeaient qu'à abuser les filles. Oh, je ne suis pas de ces gens-là. Il n'a gare. Vous voyez, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais la main assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non. Non. Oh, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous prouver que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? Mais voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point. Il se mariera avec vous, tant que vous voudrez. Oh, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Et vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, Votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je me percerais le cœur de mille coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Quand vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément, et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous point? Ne voulez-vous point consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, s'il vous plaît. Il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais. Comment il semble que vous doutiez encore de ma sincérité? Mais voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que ciel! Non, monsieur, ne jurez pas, je vous crois! Donnez-moi un petit baiser pour gage de votre parole. Oh non, monsieur, attendez que je soyons mariés, s'il vous plaît. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par mille baisers, je lui exprime le ravissement d'où je suis.